on the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. Oh my god, I've been to the wow. On the rocks. Wow. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! 2024, ça fait un peu numéro de film d'anticipation, un peu 2024, ils sont perdus dans l'espace. Eh bien non, nous sommes pas perdus puisque nous sommes lundi soir, nous sommes dans The Rocks, vous êtes avec Manu, comme depuis 31 ans, mais oui, rendez-vous compte. Et ça va être encore une émission assez rock'n'roll ce soir pour démarrer cette année 2024. Je vous souhaite une année très très musicale. Un début d'émission plutôt pied au plancher avec des grosses guitares, et ça fait un petit moment qu'on n'a pas commencé une émission comme ça, parce qu'il y a plein de jolies nouveautés dans ce style, dans The Rocks, donc vous allez pouvoir écouter ça ce soir, soit ce soir en direct sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, en rediffusion sur ZEF à Blois, et également sur le site ontherocks.net ad libitum. Yeah, give me some. Le coup de cœur ce soir, c'est un extrait du... Je sais même pas si c'est un nouvel album. Je pense que c'est juste un single du groupe The Lemon Twigs. Alors, on s'est déjà diffusé pas mal de fois The Lemon Twigs dans The Rocks, un groupe composé de frangins. Donc, ils ne se sont pas encore séparés, ils se sont pas encore balancés des guitares à la figure. Ça ne devrait pas tarder, hein, puisque ça a été le cas chez les Kings, ça a été le cas chez Oasis, bien sûr. Ça a été le cas chez les Black Rose. Les frangins dans un groupe, ça se finit rarement bien. Bah, eux, ils ont l'air de tenir la balle, la barre, les deux brindilles. Ils le font joliment. Alors, je suis pas fan de tout ce qu'ils font. Ça a commencé plutôt dans le rock, et puis ça a été vers un petit peu du cabaret quasiment sur le dernier album qui est sorti il y a peu de temps. Eh bien, ils mélangent un peu tout ça sur ce dernier single, et c'est une véritable petite merveille, je trouve. Ça peut commencer un petit peu comme un peu cabaret, un peu spectacle, un peu comédie musicale, on va dire, mais plutôt rock'n'roll. Et puis il y a des voix aériennes qui viennent s'inviter à un tiers du morceau, qui font un peu penser aux Beach Boys, et puis à la fin la voix s'éraille, et c'est vraiment plutôt rock. Vraiment, c'est mon album préféré de ce début d'année 2024. Ça s'appelle My Golden Years, pour ce groupe qui fête ses 10 ans, hein, qui fêtera ses 10 ans en 2024 déjà. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, mais ça fait 10 ans, 2014-2024. Le compte est bon pour ce groupe américain et des frangins d'Adario, c'est leur nom de famille, et le morceau donc ce soir, coup de cœur dans The Rocks. Voici donc The Lemon Twigs avec My Golden Years. Vous êtes bien installés? C'est parti. Watch me. Si avec ça, vous ne commencez pas l'année 2024 dans la bonne humeur, la joie et le sautillement, je ne sais plus quoi faire pour vous. C'était Bad Moves, une nouveauté dans The Rocks, avec ce groupe qui nous vient de Washington, avec une power pop qui n'est pas pour me déplaire. Fondée en 2015, j'ai été complètement passé à côté. Le morceau s'appelle New Year's Reprieve, et franchement, c'est frais. On se croirait presque au printemps. Et juste avant, c'était The Lemon Twigs avec My Golden Years. On va continuer dans The Rocks avec encore une nouveauté. Alors, si j'étais passé à côté de Bad Moves, il y a des groupes que je suis depuis le premier album, que j'ai vu en concert, que j'adore, que je ne désespère pas de faire venir dans les studios ici même. Eh bien, ce groupe-là a déjà sorti deux albums et ils viennent de sortir un nouveau single qui est vraiment très très bien. Ils viennent de Tours, ils sont un trio désormais. Le morceau s'appelle Nobody's Blues. Il est très très guitare électrique, ce qui leur va très très bien. Et pour ce début d'émission survitaminée qui doit faire danser jusqu'à Darvois là-bas, eh bien c'est parfait. Voici mes camarades, puisqu'ils m'avaient fait l'honneur de me faire le cadeau d'une magnifique reprise de Nirvana pour les 30 ans de l'émission, enregistrée spécialement pour l'occasion. Voici le dernier single de mes petits chouchous, les Strawberry Seas. My yellow vest was snowing. precious Jesus Christ. Qu'on peut avoir des grosses guitares et faire danser en même temps. C'était les Coolat Shakers tirés d'un album à venir, je pense. En tout cas, c'est leur dernier single magnifique qui s'appelle Natural Magic. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. Et puis juste avant, c'était les Strawberry Seas, groupe de Tours, trio tourangeau et talentueux avec Nobody's Blues. On va continuer dans les trios talentueux avec un groupe qui vient de Paris et qui commence à faire pas mal parler de lui. Il fait la une de Rock'n'Folk, du Rock'n'Folk du mois précédent. Avec tous les groupes de rock français à suivre en 2024, très bon dossier dans Rock'n'Folk du mois de décembre avec ce Howling Joes, c'est le nom de ce groupe trio également parisien qui fait la couverture avec 3-4 pages sur eux et sur ce qu'ils donnent sur scène. Alors les albums sont très bons, ça oscille entre du Kings, du Beatles, un petit peu plus testostéroné au niveau des guitares, et puis sur scène c'est vraiment vraiment beaucoup plus rentre dedans. J'ai eu la chance de voir quelques rushs pour tout vous dire. Martinus Bourdier, qui n'est autre que mon fiston préféré, est en train de monter un petit documentaire pour ses études. Comme ça, ils ont suivi en concert à Poitiers, il est en train de monter ça, les rushs, et ça a l'air d'être des mecs assez sympathiques. Donc on va se diffuser un des morceaux du dernier album de Howling Joes, ça s'appelle Mirror Mirror, et puis j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'on les verra un jour sur scène du côté de par chez nous. Encore un groupe péché découvert dans le dossier de Rock and Folk du mois dernier. Des 50 groupes français de rock à suivre en 2024. Ils vont sortir un album bientôt. En tout cas, ça s'était tiré de leur album précédent. Il s'appelle Eggs, avec Local Hero, une bonne énergie. Alors là, chanteuse, chante moyen, on va dire, mais en tout cas, ces Parisiens qui ont fondé leur groupe en 2018 ont une belle énergie, de belles mélodies, et puis l'arrivée de ce sax fait vraiment plaisir sur ce morceau. Ça s'appelait Local Hero, et puis juste avant, c'était All in Joe's avec Mirror, Mirror, avec plaisir. Enfin, je vous dis pas ça à vous avec plaisir, c'est je vous le dis avec plaisir. C'est le nom d'un groupe. Voilà, le groupe s'appelle Avec Plaisir. Ils viennent de Montréal, donc ils sont probablement un peu francophones, d'où le nom du groupe, mais ils chantent en anglais, et voici une nouveauté de ce groupe qui s'appelle Avec Plaisir. Non, je vous dis, c'est le nom du groupe qui s'appelle Avec Plaisir. Et le morceau s'appelle Jetlag. C'est maintenant. Et c'est encore un peu survitaminé. Ce qui devrait vous faire un peu de bien en ce lundi frisqué. Stuck inside of the cereal box. In a haze, I have gotten lost. Jetlag, but I don't know. You cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the breeze get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. What? you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I had to please get loud. You son of a bitch, you're gonna pay. Alors là, forcément, vous dites, oui, c'est bien. D'accord, c'est bien, c'est super ce morceau qu'on vient d'entendre, mais dans The Rock, ça ressemble un petit peu quand même à Green Day quand même, mais c'est bien. Bah c'est Green Day, et c'est normal. C'est le dernier single de Green Day qui vient juste de sortir avec One Hate Bastard. Ils le font encore très très bien, hein. Encore bien énervé, passé 50 ans. Les gars de Green Day qui ont fait un concert au Bataclan il y a pas longtemps, ça devait quand même être quelque chose, et puis juste avant, c'était Avec Plaisir. Non, c'est le nom du groupe. Jetlag, qui viennent de Montréal. Bon, on va continuer un petit peu dans cette ambiance-là avec un autre groupe qui s'appelle Pile of Love, une pile d'amour, moi je dirais, je ne sais pas. Le morceau s'appelle Happy to Hide, c'est une nouveauté. C'est un groupe californien formé en 2021. Et puis, bah voilà, ça nous rappelle les bonnes heures de la power pop des années 90, comme j'ai beaucoup diffusé au début dans The Rocks. Donc, bah voilà, je ne désarme pas. Hein. Si vous aimiez, Fontaines of Wayne, Weezer, Ash, enfin tous ces groupes-là, vous devez normalement aimer ce qui va suivre. Ça s'appelle Pile of Love, Happy to Hide, mais c'est une nouveauté. nouveautés dans The Rocks, mais décidément, c'est incroyable. Ça s'appelle Young Attica avec Peek at Your Face. Et juste avant, c'était Pill of Love avec Happy to Hide. Voilà un monsieur qui est extrêmement prolifique. Je ne sais pas combien il sort de disques. Je crois que c'est un par an ou un ou deux par an parfois. En tout cas, il revient avec un nouvel album. On a à peine le temps de s'habituer au précédent. Paf, ça y est, ça revient. C'est Ryan Adams qui revient avec un, ben voilà, un album comme il fait maintenant. Alors, c'est plus très acéré, c'est plutôt mid-tempo, Americana, tranquille, mais il le fait vraiment très bien. Une production un peu lo-fi, comme on dit, hein, un petit peu, t'as envie de pousser un petit peu les potards. En tout cas, il y a des morceaux encore très très bien, évidemment, sur cet album de Ryan Adams. On va se passer le morceau qui s'appelle Shining Through the Dark. C'est un peu le morceau, un des morceaux les plus péchus de l'album. C'est pour vous dire si c'est pas quand même du thrash metal. En parlant de thrash metal, Pearl Jam va probablement sortir un nouvel album cette année 2024, et de l'aveu même de tous les membres du groupe, et ben c'est l'album le plus heavy et le plus guitare, avec des grands solos de guitare, et le plus hard rock qu'ils ont sorti depuis les deux premiers albums, Ten et Versus, au début des années 90. Voilà, ils reviennent à leurs premières amours avec des longs solos de guitare et peut-être une tournée à suivre. Je suis ça avec impatience, car j'aimerais beaucoup beaucoup beaucoup les revoir sur scène, les Pearl Jam. Voici Ryan Adams, Shining Through the Dark, c'est dans The Rocks. 1, 2, 1, 2, 3. Whatever happened to the old me? Left us in the dust. Cars on empty, rattles in the rust. Whatever this is permanent. A red wine stain on a scar. One of those, if you put the negative, you knew who I was. Yeah. Yeah. Vous avez l'habitude, je vous fais voyager. Là, vous étiez en Belgique dans The Rocks avec encore une nouveauté, ça s'appelle Blue Eye. Mais ça ne s'écrit pas comme Blue Eye, ça s'écrit un peu phonétiquement. B-L-U-A-I. My Kinda Woman. C'est un, voilà, un trio 100% féminin qui vient de Belgique et, moi, j'aime beaucoup ce qu'elles font là sur ce morceau. Donc ça va me donner envie d'aller, creuser un petit peu plus. Et juste avant, bah là, on a bien creusé puisqu'on le connaît bien. C'était Ryan Adams avec Shining Through the Dark. Allez, cette fois, je vous emmène en Italie du côté de Bergame. Avec Astrid Dante. Alors elle ne signe pas sous ce nom-là, mais elle a un pseudo de groupe où c'est son projet solo elle toute seule. Miss Chain and the Broken Hills. Le morceau s'appelle qu'on pourrait traduire par d'accord. Enfin bon, voilà, bref, ça s'appelle Et donc c'est une nouveauté, Miss Chain and the Broken Hills dans The Rocks. Test my courage. You made me climb a cliff at night. You wanted me to jump and I declined. You called me a coward, I replied. I don't wanna live forever, but I don't wanna die tonight. When the black water ate you up, like a sugar cube in a teacup, I got the point you were making. When I held my breath till you came up. There's been a run of fires downtown on half-built construction sites. I know you never liked a townhouse. I've seen you climb a crane at night. If they ever catch you at it, I know you'd want me to be proud that you took a rich man's dream and brought it with you on your way down. 'Cause one man's dream is another man's death. I remember when you told me that. Didn't know what to say, so I just left. But now I know it's not funny. I never rode a motorcycle. I never smoked a cigarette. I wanna live a vibrant life, but I wanna die a boring death. I know I was addicted. disappointment. Now you wanted me to take a risk. Not everybody gets the chance to live a life that isn't dangerous. Et un trio qui est mon trio chouchou de l'année dernière, c'est les Boy Genius, trio américain qui ont donc livré un album génial plus un mini album ou un gros EP à la fin de l'année qui s'appelait The Rest, et c'est un extrait de ce EP qu'on s'est diffusé à l'instant. Ça s'appelle Afraid of Hate. C'est juste avant, c'était Miss Chains and the Broken Hills avec On continue avec cette fois je vous emmène à Los Angeles avec un morceau qui est sorti en octobre dernier. J'étais un peu passé à côté, je suis retombé dessus et ça m'a bien plu. Le groupe s'appelle Drove et j'espère que ça va vous plaire aussi. Je vous avais prévenu, la deuxième partie de l'émission est un peu plus tranquillou. Waouh, c'est parti, nouveauté si on peut dire, puisque ça a, allez, 3 mois, 4 mois. Ça s'appelle donc Drove avec le morceau Big Star. Ça que l'on suit depuis des années, c'était le cas de ce groupe Woods que je suis depuis leur premier album et que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ils ont sorti un album à la fin de l'année qui contenait ce morceau Between the Past, et puis juste avant c'était Drove avec Big Star. Voilà par contre en revanche une artiste que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à Spotify. Alors c'est un peu ce qu'on demande à Spotify de temps en temps, hein, c'est de nous faire découvrir des artistes. Alors on leur demande aussi un peu de payer leurs impôts et puis de participer mieux au financement des artistes, hein, certes. Mais en tout cas, eh bien voilà, généralement on vous propose des morceaux sur ces plateformes d'écoute et ça correspond moyennement à ce qu'on aime. Eh bien là, pile poil, une artiste que je ne connaissais pas qui s'appelle Fraser Ford, qui a sorti un album magnifique il y a quelques années, un deuxième album un peu moins bon, mais en tout cas ça fait partie de ces voix féminines qui moi me touchent énormément. J'adore la voix et la sensibilité. Alors elle boxe un peu dans la même catégorie que que Mélodie Gardot, on va dire, quand Mélodie Gardot faisait du blues un petit peu plus âpre que ce qu'elle fait d'habitude. On va se passer un morceau qui s'appelle If You Gonna Go, de cette Canadienne quinquagénaire qui vraiment, moi, m'enchante vraiment au niveau de la voix. C'est maintenant, ça s'appelle Fraser Ford et c'est dans The Rocks. College debt and cigarettes and all. Ford d'abord dans On the Rocks avec If You Gonna Go, et puis là, alors ça venait de Nashville, hein, vous aviez senti, c'était une chanteuse américaine donc qui s'appelle Kathy Prout. Oui, je sais, je pense que ça se prononce comme... alors Prout peut-être, mais j'ai des doutes, avec Blood Related, c'est une nouveauté également dans On the Rocks. Et là on va aller un petit peu moins loin maintenant, on va aller du côté du Gâtinais, puisque là aussi il y a des talents incomparables, et on va se diriger à nouveau vers une vieille complice de l'émission désormais, enfin vieille pour lui faire plaisir, Rivka, qui revient avec un nouveau morceau, et qui est une reprise, alors est-ce que je vais... Alors, oui, là ça va bien marcher, c'est une reprise donc de Sepultura, alors voilà, c'est incroyable quand même, reprise de Sepultura, c'est quand même assez dingo. On va se passer donc ce morceau de Rivka qui figure, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur une compilation de Sons Burn Out de mon camarade David Bost, qui viendra, je pense, présenter cette compilation bientôt dans les studios. On devait le faire avant les vacances, ça n'a pas eu lieu, ça aura lieu à la fin, mais Rivka m'a fait l'amitié de m'envoyer cette reprise qui s'appelle Roots. Et ben on retrouve beaucoup plus la patte de Rivka que de Sepultura, tant mieux, j'allais dire. Et c'est vrai que Rivka est plutôt très très bonne pour les reprises, elle nous en a donné la preuve maintes et maintes fois dans cette émission. Voici donc Rivka dans The Rocks avec Roots. Fate, we don't need a fate. It's- Vraiment une valeur sûre, cette Rivka, voilà, qui est venue dans ces studios, là, vous savez, qui est venue présenter des morceaux, deux fois, je crois, si je ne m'abuse, et qui m'avait fait l'amitié de me faire une magnifique reprise de Cure pour les 30 ans de l'émission. Bah, alors là, cette reprise de Sepultura, ça me donnerait presque envie d'aimer Sepultura. Rivka, si tu écoutes cette émission, merci et bravo, bravo pour ce morceau. Vraiment, tu as une patte incomparable. On va remonter un petit peu la sauce dans The Rocks avec du live. Ça vous ferait du bien, ça, un petit peu de morceaux live pour la fin de l'émission. Eh bien, trois petits lives enchaînés. Je vous dis pas quoi. Enfin, si je vous dis quoi, je vous dis quoi pour le premier morceau. Il date de 1978. C'est une reprise que cet artiste aimait faire sur scène à cette époque-là. Il la faisait souvent. Il la fait plus vraiment maintenant. C'est dommage. C'était à sa grande époque, on va dire. Bruce Springsteen and the E Street Band avec Raise Your Hand. Ça veut dire, levez les mains, bougez-vous un petit peu, voilà. Donc on va voir si les abeilles se mettent au garde à vous. Vous êtes dans The Rocks et une grosse tranche de live pour terminer l'émission. Ça commence comme ça. If there's something they need, something they want. They've got to raise their hands. Un petit bout de live dans On The Rocks. D'abord avec Bruce Springsteen et The Street Band avec Raise Your Hand. Et puis, juste après, c'était pas les Stereophonics. C'était Kelly Jones, le chanteur des Stereophonics en solo, qui a sorti un album solo, juste guitare-voix et un peu de piano de temps en temps. I'm Just Looking, évidemment, morceau des Stereophonics. Et puis, à l'instant, c'était Cat Power, tiré de mon album Chéri de l'année 2023, qui vient de se faner avec I Don't Believe In You. On va se quitter dans On The Rocks pour que Rémi de la rédac du sport s'installe, avec un petit extrait d'un best-of d'un groupe que j'aime beaucoup et qui malheureusement a perdu son chanteur en 2023, Smash Mouth, avec une reprise de I'm a Believer, morceau des Monkees. Rémi de la Redark va vous parler évidemment de ce scoop qui vient d'arriver. Alors je vous divulgage un petit peu, mais en Coupe de France, ce sera Orléans PSG, et oui le 21 janvier prochain. Alors voilà, déjà Tinus m'a dit que le site de l'OUSO avait craché un peu là en attendant les places. Il va vous en dire un petit peu plus. Vous allez peut-être parler un petit peu de Beckenbauer aussi, parce que Beckenbauer ne sera pas au match du PSG, ça c'est officiel. On termine donc l'émission avec ce morceau qui va également vous faire remuer du popotin, sauf si vous êtes également dans le même état que Franz Beckenbauer, à qui on pense un peu ce soir. Voici la rédaction du sport avec Rémi. Je vous retrouve la semaine prochaine, 19h-20h30 dans The Rocks. Et attention, ça bouge maintenant. I saw her face.